Monsieur Laurier, l'économe, entend de dire qu'une place est vacante à Nantes. La chaire d'un professeur de grammaire est vide. Il s'est démené pour que mon père l'obtînt. La nomination arrive. Nous allons quitter Saint-Étienne. Mes parents vont faire leurs adieux. Instinctivement, pris du placage Kléber, ils se détournent et prennent la gauche du chemin pour éviter la maison où Madame Brignolin demeure. Ah, j'ai grandi maintenant. Je ne suis plus l'enfant qui arrivait du puits, tout craintif et tout simple. Je n'ai plus innocent d'autrefois. Je doute de la bonté du ciel et des commandements de l'Église. Je sais que les mères promettent et ne tiennent pas toujours. Tous mes souvenirs se ramassent au moment de partir. Voici dans ce coin un bout de ruban bleu. C'était à ma cousine Marianne. On l'avait fait venir de Farérolles sous prétexte qu'elle était née avec des manières de dame et qu'un séjour de quelque temps dans notre famille ne pouvait manquer de lui donner le vernis et la tournure qu'on gagne dans la compagnie des gens d'éducation et de goût. Pauvre cousine Marianne, on en fit une domestique. Comment elle traitait, comme moi. Moi les coups. Elle fut bien malheureuse. Elle écrivit à sa mère qui l'aimait bien et lui demanda de retourner tout de suite au village. On n'osa pas reprendre Marianne tout de suite. Elle resta un mois encore. Elle souffrit beaucoup pendant ce mois-là. Mais moi, comme je fus heureux, je l'ai revue, longtemps après, dans le fond d'un couvent, à travers une grille. Elle s'était faite religieuse. « Si j'étais resté plus longtemps à Saint-Étienne, murmura-t-elle, en baissant les paupières, je ne serais peut-être jamais venu ici. Le regrettez-vous » Elle en a du guichet, sa tête pâle, encadrée, dans la grande coiffe blanche de sœur de charité, et ne répondit rien. Mais je crus voir deux larmes tomber de ses yeux clairs. Il me sembla reconnaître un geste de regret et de tendresse. Elle disparut dans le silence du couloir muet, cornet un Christ d'ivoire taché de sang.